Si vous croyez que je vais me taire, dire au bon Dieu j'aime pas l'enfer, au diable je n'aime pas le paradis, vous vous trompez mes chers amis. Je ne chante pas pour vous plaire, chante pas non plus pour vous déplaire. Je chante au cri de mes passions, je suis un champ de blé sans moisson. La goutte d'eau qui fait déborder le verre, je suis source au ruisseau, tel endroit je suis à l'envers. Si je suis tombé le cul par terre, ce n'est pas de la faute à Voltaire. Si je suis tombé le cul dans l'eau, ce n'est pas de la faute à Rousseau. D'ailleurs c'est de la faute à personne, c'est vrai la vie n'est pas toute bonne. Et si c'est de la faute à quelqu'un, je vous jure je m'en souviens plus très bien. Je suis un oiseau sans cage, une tendresse sans caresse. La vie se tourne page à page, j'ai perdu mon carnet d'adresse. Je prie debout, pas à genoux, chante aux étoiles mon amour fou. Je pleure à inonder la nuit, mais si je pleure c'est que je suis. Je chante comme un alléluia, pour ceux d'en haut, pour ceux d'en bas. Écrire ça c'est mon blues à moi, je ne possède rien mais j'ai de la voix. Je ne suis pas un pont, je suis une passerelle. Qu'elle soit ange ou démon, ne priez pas pour elle. Oh mon enfant, si tu savais, mais le temps n'est pas au regret. Oh mes amours, je vous aime encore, dans mon bonheur il y a de la douleur. Je rêve des neiges éternelles, d'une édelweiss dans nos poubelles, du rire d'un grand alligator, d'une île vierge sans trésor. Je suis l'été qui rêve d'hiver, une Arlétie sans atmosphère, un journaliste sans fait divers, une galaxie sans la Terre. Si je suis tombé le cul par terre, non c'est pas de la faute à Voltaire. Si je suis tombé le cul dans l'eau, non c'est pas de la faute à Rousseau. C'est sûr c'est de la faute à pas de chance, au désespoir, à l'espérance. C'est de la faute à n'importe qui, ça c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Un jour j'irai voir la mer, je me jetterai dans ses eaux. Te souviens-tu ma mère, quand tu perdais tes os? Un jour j'irai voir la mer, je me jetterai dans ses eaux. Te souviens-tu ma mère?